Thank you. vite fait parce que j'aime pas les fesses de merde. Mais maman, j'ai autre chose, j'avais du temps à perdre. Tu sais pas, j'ai un truc important à faire. Faut que j'aille au frigo chercher une canette. Faut que je trouve un bédo. D'ailleurs, on parle de ça pour pas m'appeler. Vas-y, les panneaux polo, ce soir c'est leur fête. Mais ne me parle pas trop, s'il te plaît. Tu prends la tête, moi. Je vais aller bouger les bras, brûler les gras. Moi, j'allais sur de la fin car coup de bas, le moulin. Donc bouge de là, bouge de bouquin. Moi, je ne résiste pas. Moi, je ne suis pas tout un village. Je suis qu'un type normal, il paraît. Mais j'ai la saveur de mon type banal. Je détaille, je dis que ça, je le sais. Demande à ta soeur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur. We'll be right back. Thank you.